Barbouin 2005. Pas né pour dire des trucs de ouf, j'suis né pour les faire, pas le nez dans la chenouf. Le monde n'est pas fait pour les faibles, il est fait pour ceux qui viennent à la vie, une fiche de paye à la main sur le cœur, d'ailleurs rempli de larmes, puisqu'on pleure quand on le perd. On a tous la vie dans le sang, puisqu'on meurt quand on le perd. Mon futur, un prénom, il portera celui de ma femme, même si l'argent est par là-bas. Ma vie est avec elle, donc je mourirai pauvre. Ma peau contre la sienne, les paumes face au ciel. La vie paume face au siècle. La vie pue la défaite pour celui ou celle qui ne s'est pas trompé. On passe plus de temps au ciel que sur terre. Donc l'argent est bien le dieu de celui qui ne sait pas compter. La vie est belle mais courte. La mort m'appelle et je cours pas. La mort ne fait que d'échouer. Ne joue pas avec la vie ou tu vas perdre ce qui te fait jouer. On part. On part de la vie. On part de la vie, la mort nous fait taire. On part de la vie, mais la mort nous fait taire. On part de la vie, on part de la vie, la mort nous fait taire. On part, on part. On part de la vie. On part de la vie, la mort nous fait taire. De la vie, la mort fait-elle. Avril 2005, j'apprends que le produit commercial de l'église n'est plus en vente. Jean-Paul Dell ou Lady Di, sûr qu'à mes funérailles j'aurais pas autant de candidats. La vie est un aller-retour obligatoire pour certains. La mort est un aller simple pour la gloire. On va au ciel mais seul, les rêves s'envolent quand le sort nous fait toucher le sol. L'amour nous donne des ailes poupées, la mort et la faux nous aident à les couper. Même la paire flanchée, Arafat a rejoint sa carabine sous le plancher. La mort me désole, c'est le désordre. Les hommes sont. Respecte plus les ordres, donc tu, pour de la thune, soyez patient. De toute façon, on va tous y passer, donc pensez. C'est avec le passé qu'on écrit le futur, sois pas pressé. Kiffe le présent, y'a pas de vie après la mort. Y'a que le vide après la mort, fils.